France Culture et la nuit spéciale Nuit des musées se poursuit. Alors oui, Nuit des musées il y a dans toute la France et en Europe, comme chaque année, depuis 10 ans. En tout cas, c'est la onzième version de cette Nuit des musées. Qui dit nuit ne dit pas nécessairement toute la nuit, parce que laisser ouvert un musée jusqu'au petit jour, ça nécessiterait sans doute un personnel trop nombreux. Mais une nocturne inhabituelle, ça c'est toujours bienvenu, et nous avons voulu qu'un projecteur soudain soit branché sur un musée parisien, un musée municipal, un musée de la ville, et un musée qui mérite la visite, ne serait-ce que le bâtiment, ne serait-ce que le quartier, la proximité avec le parc Monceau, magnifique. Et puis, évidemment, les collections permanentes également, bien entendu. C'est à savoir donc le musée Cernouchi, musée des arts de l'Asie de la ville de Paris. Maël Bellec, bonsoir. Bonsoir, Philippe Garbi. Alors, vous savez que vous avez beaucoup de chance de travailler au musée Cernouchi. On dit Cernouchi ou Cernouchi ? Il y a plusieurs versions, chaque agent travaillant dans le musée a sa version. Moi je dis Cernouschi, mais je ne suis pas italianophone, c'est un nom italien. Mmh. Et il faut le prononcer un peu à la polonaise, non? C'est probable. Alors, je connais aussi bien le polonais que l'italien. Alors, musée Cernouchi, moi je vais dire, et puis donc vous y travaillez au milieu des soies, de la jade, de la céramique, de tout, de choses magnifiques, merveilleuses. Alors, merveilleuses, oui, c'est pas une caverne d'Ali Baba non plus, mais on a effectivement quelques très beaux objets, essentiellement de l'archéologie chinoise, donc on est plutôt sur des objets, effectivement, quelques jades, beaucoup de bronze. Des terres cuites. Et des terres cuites. Mmh. Céramique. Céramique, mais on est vraiment pour l'essentiel sur des pièces archéologiques, donc plutôt de la terre cuite que de la porcelaine. Alors c'est la nuit des musées, le musée est fermé quand même depuis hier soir, il y a une nocturne, disons, que les auditeurs ne courent pas au musée Cernouchi cette nuit et qu'ils vous écoutent plus tôt, et ils iront demain dès 10h puisque vous êtes ouvert le dimanche. Est-ce qu'il vous arrive, vous, Maël Bellec, de déambuler la nuit dans le musée? Dans ce musée, un peu plus difficilement, parce que les agents de nuit ont tendance à essayer de me mettre dehors quand je traîne trop. Mais oui, ça m'arrive de temps en temps, quand il y a des choses à finir un petit peu en urgence, de rester un peu tard le soir, à l'heure où le fantôme d'Henri Cernouschi, paraît-il, selon les agents de nuit, circule dans les couloirs. Alors j'ai parlé des collections permanentes, mais c'est pour une exposition, celle en cours, à savoir donc l'éveil de la Chine moderne, l'école de Lingnan, prononce comment ? Lingnan. Lingnan, voilà. C'est pour cette exposition en cours donc que vous êtes ici pour nous faire, en somme, en quelque sorte, faire une visite privée, guidée, parce qu'on est dans un studio qui n'est pas vraiment très très beau, enfin il n'est pas laid, mais en tout cas il est beaucoup moins beau que le musée, il est beaucoup moins beau que l'exposition donc sur cet éveil de la Chine moderne. Et vous êtes le créateur, comment dit-on, le conservateur, le commissaire de l'exposition. Alors ça s'est passé comment? En fait, ça s'est passé en deux temps. Dans un premier temps, il y a eu une exposition au musée de Cernouschi en 2011 qui s'appelait Artistes chinois à Paris. Et le musée d'art de Hong Kong a été intéressé par la reprise de cette exposition qui a donc été envoyée à Hong Kong l'été dernier. Et en retour, il nous a proposé, ce qui sont des échanges de bons procédés assez courants entre musées, de nous prêter une partie de ses collections pour faire une exposition. Et il se trouve qu'il a une collection de peintures importante et notamment riche en œuvres des artistes de l'école de Lingnan, puisque ces artistes ont travaillé essentiellement à Canton, à Macao et à Hong Kong. Alors, c'est une exposition, donc, alors, situant l'époque, parce que, après tout, quand on ne connaît pas cette expression, l'école de Lingnan, on peut quand même avoir des doutes, enfin, se poser des questions tout à fait naturelles. C'est quoi, on va dire, fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle? C'est à peu près cela, c'est-à-dire que les premières œuvres des fondateurs de cette école datent de la toute fin du 19e, et ce sont encore des œuvres de jeunesse, et ce sont des artistes qui vont être actifs pendant toute la première moitié du 20e siècle. L'école de Lingnan est toujours vivante aujourd'hui avec d'autres générations d'artistes qui ont succédé à ses fondateurs. Mais nous, on s'arrête dans les années 50 pour concentrer notre attention sur les deux premières générations d'artistes de cette école. Alors pour la Chine, c'était quand même une période extraordinaire. Enfin, ça n'a pas été le grand calme céleste. Ah non, ça a été probablement l'une des périodes les plus denses de ces deux derniers siècles. Faut imaginer qu'un artiste comme Gao Jianfu, qui est l'un des grands fondateurs de l'école de Lingnan, va connaître la révolte des boxeurs en 1900, la chute de la dynastie des Qing en 1911, l'établissement de la République en 1912, la dictature de Yuan Shikai, entre 1914 et 1916, la période des seigneurs de guerre qui va ensuite se poursuivre jusque vers 1927-1928, puis la seconde guerre sino-japonaise, la guerre civile après la seconde guerre mondiale et l'établissement de la République populaire de Chine en 1949. En effet, c'est une belle période. Et puis il y aura par la suite, mais ça sera peut-être pour une autre exposition, je sais pas, le réalisme socialiste, enfin l'influence de l'époque, enfin de l'ère artistique soviétique, parce que ça aussi, on a en tête les grands peintures maoïstes, enfin, de l'époque. Alors c'est en cours de préparation, et si tout se passe bien, on pourra voir cela effectivement en 2016. Bon, Maël Bellec, on est pour l'instant donc dans l'éveil de la Chine moderne. Alors nous entrons dans ce musée. Soit de jour ou de nuit, mais enfin bon, les auditeurs iront le jour, qui voit-on? Parce que finalement, au début, on peut se dire, bah, tiens, c'est peut-être de loin, comme ça c'est une peinture qui aurait pu être créée, réalisée au XVIIe siècle. Alors, pas pour le spécialiste que vous êtes, mais pour le profane que je suis. Alors, c'est l'une des ambiguïtés et des points intéressants de cette école. C'est que c'est à la fois la dernière école traditionnelle, quelque part, de l'histoire de l'art chinois, et en même temps, c'est la première avant-garde du XXe siècle en Chine. Et effectivement, ce sont des peintres qui vont essayer de renouveler profondément la peinture chinoise, mais tout en restant à l'intérieur d'un cadre qui est en partie un cadre classique dont ils ne parviennent pas à s'affranchir et dont parfois ils ne veulent pas s'affranchir. Et effectivement, ils vont rester donc sur des techniques qui sont les techniques traditionnelles de l'encre, du pinceau et de couleurs délayées pour réaliser des lavis sur papier ou sur soie. Alors, en quoi ça va petit à petit évoluer et devenir un art, non pas révolutionnaire, mais en tout cas ce qui va se démarquer du 19e, du 18e, de notre 18e siècle? Alors, il y a des questions de style et il y a des questions d'iconographie. Sur le plan du style, il y a le relais japonais qui va jouer à plein, puisque ces artistes ont dans l'idée que pour renouveler la peinture chinoise, il faut s'inspirer des exemples occidentaux. Et c'est une tendance qui en fait est présente dans la quasi-totalité des courants culturels et intellectuels de cette époque-là en Chine, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la politique. La plupart des réformistes de cette époque-là regardent vers l'Occident. Or, il se trouve que le Japon a eu cette démarche-là déjà quelques décennies auparavant, à la suite de la révolution de Meiji. Et ils vont trouver au Japon des premières synthèses entre une culture autochtone extrême orientale, donc japonaise pour le cas du Japon, et une culture occidentale. Et donc ils vont reprendre cette première synthèse japonaise, qui en quelque sorte va prémâcher le travail, et ils vont la réintégrer dans la peinture chinoise et l'adapter aux exigences contemporaines de la Chine. Donc on va avoir un style très marqué par la peinture japonaise de la fin du 19e, début 20e, qui est une peinture qui essaye de résumer en quelque sorte toutes les vieilles écoles traditionnelles de peinture japonaise, mais qui essaye aussi d'introduire un certain nombre d'éléments issus de la peinture occidentale, tels que des effets de perspective, ou des effets d'ombrage, ou même des effets lumineux issus d'écoles telles que l'école de Barbizon, par exemple. Nihonga, c'est ça? C'est le Nihonga, oui. C'est ce qu'on appelle. Mais comment se fait-il que finalement la Chine s'approprie d'une certaine manière? Parce que le Japon n'était pas le grand ami de la Chine. Donc est-ce que les artistes chinois sont bien vus parce qu'ils vont à Tokyo, à Kyoto, ils apprennent le métier, ils apprennent leur art au Japon. Ils reviennent à Canton appréciés. Ils sont relativement... Alors il y a, comme je vous le disais, ça s'étend sur toute la première moitié du 20e, et en fait ça commence à la fin du 19e, et la situation évolue sur toute cette période. Dans un premier temps, l'exemple du Japon est un exemple extrêmement positif pour les Chinois, parce que les Chinois sont confrontés à la présence occidentale, aux traités inégaux, et sont confrontés à une situation qui met en valeur la faiblesse en fait de la Chine à cette époque-là. Et quand ils regardent de l'autre côté de la mer, qu'ils voient le Japon, ils voient un pays qui a réussi à s'occidentaliser à marche forcée et qui a réussi à sauvegarder son indépendance et qui a réussi à battre la Chine lors de la première guerre sino-japonaise sur le territoire coréen à la fin du 19e siècle et qui va réussir à battre les Russes en 1905 à Port-Arthur, ce qui est le signe de la force de ce pays, qui a réussi à faire ce que veulent faire les réformistes chinois, c'est-à-dire s'approprier les moyens occidentaux tout en gardant des fins qui leur sont propres. Et le slogan est le même en Chine. Et donc, de ce point de vue-là, le Japon est un modèle extrêmement intéressant pour eux. Et dans le domaine de l'art, il y a eu une réaction au Japon dans les années 1880, où un certain nombre d'artistes ont eu peur de perdre finalement leur culture et ont décidé de revaloriser leur héritage pictural. Et ils ont donc fondé cette nouvelle synthèse qu'on appelle le Nihonga, qui signifie en fait peinture japonaise, par opposition à une peinture dite yoga, qui serait une peinture étrangère. Occidentale, oui. Voilà, et qui serait une peinture à l'huile, en fait. Et ils ont donc réussi, en gardant les techniques traditionnelles, à aboutir à une nouvelle synthèse qui prend en compte un certain nombre de ces éléments occidentaux qui ont été introduits au Japon. Et c'est typiquement ce dont ont besoin les artistes à cette époque-là. Il y a aussi une question de génération. C'est-à-dire que pendant, dans les années 1890 et 1900, les intellectuels chinois, les artistes chinois, les hommes politiques aussi, quand ils veulent se former et s'intéresser aux cultures étrangères, le meilleur relais possible, c'est le Japon. On n'en est pas encore à la période où ils pourront facilement voyager à partir de la fin des années 10 pour aller en Europe se former directement. Alors, donc revenons à l'exposition elle-même, pratiquement, donc, puisque vous êtes le conservateur, le commissaire de cette exposition, Maël Bellec. Qu'avez-vous choisi enfin, c'est chronologique, en fonction des salles, vous avez voulu montrer quoi? Une évolution de cette école, ou l'invention de cette école? Parce que c'est pas quelqu'un qui, un jour, ou deux personnes se sont dit « nous allons créer une école ». Non, alors c'est... Ce qu'on a voulu faire dans cette exposition, c'est à la fois effectivement montrer comment l'école était née, et donc commencer un petit peu en amont avec une école qu'on appelle l'école des deux Zhou, l'école de Goshan, qui est en fait l'école des maîtres, des fondateurs de l'école de Lingnan, qui sont actifs dans une école, un style un peu régional de peinture, de fleurs et d'oiseaux, qui est assez typique de cette région de Canton. Et ensuite, on a eu une approche plutôt thématique pour essayer de mettre en valeur les éléments qui nous semblaient intéressants et pertinents quant à la modernité de cette école, à la fois l'influence japonaise qui est très prégnante donc sur cette école, même si au cours du temps, elle va petit à petit être mise légèrement en sourdine, la question aussi du renouvellement iconographique de cette école par rapport à la grande tradition chinoise, comment tout en s'inscrivant dans des cadres qui sont parfois des cadres anciens, ils vont essayer de l'intérieur de faire entrer des thèmes contemporains à l'intérieur de ces iconographies anciennes, la question du rapport à la politique, parce que les artistes de cette école de Lingnan étaient autant des peintres que des militants politiques, et parfois des militants engagés physiquement dans des activités qui seraient aujourd'hui qualifiées de terroristes en fait. Et on a terminé l'exposition sur une présentation assez rapide de ce qu'a pu être la deuxième génération de l'école de Lingnan pour rappeler que cette école ne s'est pas arrêtée avec les trois grands maîtres de l'école, mais qu'il y a eu différentes générations par la suite qui gardent cet héritage toujours vivant aujourd'hui. Mais alors, dans la première salle, qui voit-on? Enfin, sais, j'y suis allé, mais dites aux auditeurs, alors, parce qu'on voit des fleurs, on voit des rochers, on voit des oiseaux, on voit des cieux un peu de plus en plus inquiétants, l'atmosphérique, c'est important. Hein. Alors, effectivement, les atmosphères sont assez importantes, notamment sous l'influence de la peinture japonaise, qui portait une attention très particulière aux effets atmosphériques, au rendu de la pluie, par exemple, au rendu des ciels plombés. Et on a effectivement plusieurs peintures qui ont ce type d'atmosphère. Et puis il y a aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure, des ciels dont l'influence est en fait à chercher en France, chez des gens comme Corot, Millet, puis aussi en Angleterre avec Turner par exemple. Et c'était rentré dans la peinture japonaise, et par l'intermédiaire de la peinture japonaise, ça va rentrer aussi dans cette peinture chinoise-là. Alors, dans la première salle, ce qu'on voit, ce sont donc des œuvres des deux maîtres des trois plus grands artistes de l'école de Lingnan, qui sont Zhu Chao et Zhu Lian, qui sont donc des artistes prolifiques dans cette peinture de fleurs et d'oiseaux qui est devenue quasiment une école régionale au Guangdong. Et on va avoir notamment un rouleau, le rouleau des 100 fleurs de Julian, qui est le chef-d'œuvre absolu de cet artiste, qui montre à quel point ils avaient atteint un haut degré de technicité dans le rendu naturaliste et en même temps un peu décoratif de ces fleurs, qui sont des fleurs endémiques à la région du Guangdong. Ça fait aussi partie de la définition locale, en quelque sorte, de cette école. Et on a quelques œuvres de jeunesse, des grands maîtres de l'école de Lingnan, qui montrent comment ils ont intégré cet apprentissage dans leur propre œuvre. Et, ensuite, on en verra des résurgences et des échos tout au long de leur carrière jusqu'à la fin. Je suppose, Maël Bellec, que vous passez souvent dans les salles pendant que le public est là en train de regarder, d'admirer, parce que c'est admirable. Est-ce que vous pensez que... alors, il y a un très beau catalogue à recommander. On nous indique beaucoup, tout à fait bien ce que l'on doit voir, ce que l'on voit, mais il peut y avoir aussi une visite un peu naïve. On peut simplement dire qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que les couleurs sont extraordinaires. Mais derrière tout ça, est-ce que vous avez envie, vous, d'intervenir et de dire attention, oui, c'est beau, mais ça dit aussi quelque chose sur l'époque. Et puis il y a les colophons. Oui. Alors dites-nous ce que c'est. Alors, les colophons, ce sont tout simplement des inscriptions qui sont portées sur les peintures et qui ont plusieurs fonctions, qui peuvent avoir une fonction informative, qui sont des inscriptions qui vont contenir des renseignements sur le contexte de réalisation de la peinture, sa date de réalisation, à qui elle a été offerte, parfois aussi tout simplement des gens qui regardent la peinture des décennies après sa réalisation et qui vont porter un commentaire sur la peinture. Ah oui, qui rajoute, on a le droit comme ça. Ah oui, on a des peintures, ça pose d'ailleurs des questions à certains visiteurs, puisque la date du colophon ne correspond pas à la date possible de la peinture. On a une peinture qui a été faite en 1916. Stylistiquement, ça doit être autour de 1916. Sauf que la date qui est portée sur la peinture est la date à laquelle l'un des élèves de cet artiste a regardé la peinture et c'est marqué 1976. Ah oui, en effet. Alors, vous expliquez, là, comme ça, vous avez envie je sais qu'il y a des visites, il y a des conférences, il y a vraiment le musée est parfait pour ça. C'est-à-dire pour qui aime l'art asiatique, le plaisir est total, enfin, intellectuel, esthétique. Mais est-ce que vous avez envie d'intervenir? C'est mon travail, c'est d'essayer de donner un sens à la succession des œuvres. Donc, effectivement, dans la conception de l'exposition, on a conçu des espaces qui fonctionnent comme des ensembles clos dans lesquels on peut voir telle ou telle thématique. Et j'essaye de mettre du sens dans ces œuvres, notamment en traduisant les colophons dans les cartels pour que les gens aient accès à ces informations, en mettant des panneaux de salle. Après, je ne suis pas totalitaire non plus, et des gens qui voudraient visiter l'exposition juste en regardant les peintures et en ne lisant ni les cartels ni les panneaux de salle, en se contentant de les apprécier esthétiquement, ne seront pas punis, ni mis au coin. Après, quand je fais moi des visites, j'essaye de donner toutes ces informations qui me semblent importantes pour comprendre véritablement l'importance de cette école. Mais il est vrai qu'on peut en avoir une appréciation purement esthétique, sachant que les œuvres sont très belles. Mmh. C'est toujours le plaisir dans un musée, de toute manière, c'est-à-dire à la fois d'être solitaire, ou à deux, éventuellement, et de pouvoir se promener dans les salles comme ça, de revenir, de repartir, de flâner, parfois d'accélérer, mais aussi de jeter une oreille quand il y a un conférencier comme ça qui donne les informations que l'on a envie d'entendre. Mais je me demandais aussi, Maël Bellec, parce que c'est toutes ces créations, qui les voyait, qui les achetait? C'était quand même fait pour être acheté? Il y avait un marché? Alors là, il y avait un marché, effectivement. C'est l'une des ruptures avec la tradition. C'est-à-dire que dans la tradition chinoise, les grandes peintures les plus célébrées sont des peintures qui sont censées être hors marché. Je dis censées parce qu'à partir du XVIe siècle, c'est en partie fictif. Mais la grande figure du peintre, c'est le peintre lettré. C'est un peintre qui peint pour lui ou pour ses amis, en dehors de son activité principale, qui est d'administrer l'Empire. Là, on est dans une situation qui est très différente, puisque les structures sociales ont changé, et les structures commerciales ont changé aussi, et on est face à des peintres qui ont besoin de vendre leur peinture pour vivre, qui vont pratiquer, qui vont organiser des expositions, qui vont publier des revues pour diffuser leur peinture, qui vont aussi obtenir des postes institutionnels d'enseignement, et qui vont avoir une activité aussi théorique pour essayer d'installer leur école. Donc c'est une peinture qui est diffusée en fait assez largement. l'un des buts de ces artistes, c'est d'avoir une peinture qui, dont le vocabulaire pictural est assez immédiat, assez facilement compréhensible et va pouvoir s'adresser aux masses. Je vous le disais, ce sont des artistes qui sont aussi des militants politiques et ce sont des militants républicains et égalitaristes. Ce sont des gens qui veulent obtenir une société beaucoup plus juste et pour eux, leur peinture est aussi un acte politique dans le sens où elle va porter des idées qui doivent être accessibles aux gens qui regardent ces œuvres. Et donc, on a des œuvres qui sont dans un style accessible et ils vont porter une grande attention à la diffusion de leur travail, que ce soit sur support imprimé ou dans des expositions. Oui, parce qu'il y a des expositions, il n'y a pas simplement des boutiques dans lesquelles les personnes riches peuvent venir acquérir une toile, enfin de la soie. Non, alors en plus, ça ne se fait pas forcément comme ça pour la peinture à cette époque-là. Il y a des questions de réseau, il y a vraiment l'organisation d'expositions qui sont les endroits dans lesquels on va pouvoir voir ces œuvres, les vendre. Il y a des boutiques qui vont être ouvertes par ces artistes, mais notamment dans le domaine de la porcelaine, avec, pour la petite anecdote, Gao Jianfu qui va vouloir revivifier la porcelaine locale de Canton et va fonder une entreprise dans ce domaine-là. Il va ouvrir une boutique et dans la vitrine, il vend des porcelaines et dans l'arrière-boutique, il fabrique des bombes. C'est l'aspect plutôt militant de la chose à la fin de la dynastie des Qing. Et il y a tout simplement des réseaux. Alors c'est variable aussi en fonction des époques. On a à la fin de la vie de Gao Jianfu, au moment de la Seconde Guerre sino-japonaise, un moment où il va être obligé de s'exiler de Canton parce que Canton est prise par les troupes japonaises. Et il va perdre en partie ses réseaux de diffusion et de distribution de sa peinture. Et on le voit sur les peintures de cette époque-là. D'abord beaucoup de petits sujets, probablement plus faciles à vendre. Et des colophons assez longs de dédicaces à la personne qui a acheté la peinture. Et effectivement, il est en train d'essayer de reconstituer une clientèle locale dont il devient extrêmement dépendant à cette époque-là. Puis on peut imaginer aussi qu'il y a un public illettré, c'est-à-dire qui voit l'aspect décoratif, qu'il apprécie tout autant que quelqu'un de lettré pourrait l'apprécier. Mais les colophons, en revanche... On ne peut pas les comprendre. Alors, les colophons sont effectivement compréhensibles que si on sait lire le chinois, d'autant que certains des artistes de cette école ont une écriture qui vaut bien la mienne en français, on va dire. Ce sont, même quand les artistes veulent s'adresser aux masses, c'est vrai dans toute l'histoire de l'art, la plupart du temps, ça ne marche pas. Le public des musées reste quand même un public qui ne touche pas la totalité de la population. Et les artistes arrivent rarement à toucher la totalité de la population. Donc même en organisant des expositions, en diffusant des revues, on ne touche qu'une fraction déjà un petit peu plus cultivée de la population. Donc cette difficulté d'accès n'est pas en fait véritablement un problème. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'études qui ont été faites sur la sociologie du public de ces expositions. Je ne sais pas si on a les données pour faire ces études, mais il est assez probable que ça ne touche d'abord que des populations urbaines, puisque les expositions ont lieu dans les villes, et que ça ne touche qu'une fraction de ces populations urbaines. Alors le catalogue, et puis le carton peut-être aussi, les affiches qu'on peut voir dans Paris sur cette exposition donc au musée Cernouchi, l'école de Lingnan, l'éveil de la Chine moderne, on voit deux lions, enfin en tout cas, un lion et une lionne, peut-être. On est plutôt habitué, enfin, dans les premières salles, on voit, donc, vous l'avez dit, des rochers, des fleurs, des oiseaux, beaucoup. Et puis, petit à petit, comme ça, il y a des personnages, bien entendu. Est-ce que ce sont des personnages qui demandent, comme ça se faisait en France, enfin, en Occident, en Europe, d'être peints comme ça avec toute la famille ou pour montrer leur pouvoir, leur célébrité du moment? Ou est-ce que c'est est-ce que c'est des personnes comme ça qui sont des modèles? Alors, non, la plupart du temps, ce ne sont pas des portraits. Je ne connais pas de portraits dans cette école, en tout cas dans la première génération d'artistes de cette école. Ce sont des figures assez traditionnelles, en fait, dans la peinture de personnages chinoises, puisque, comme je le disais, ce sont des artistes qui restent en partie prisonniers de certains cadres iconographiques. Et c'est notamment vrai dans le cas de la peinture de personnages. Gao Jianfu, qui voulait faire une peinture qui représente le peuple, va rester sur des schémas iconographiques anciens et va représenter des figures de lettrés inspirées de la peinture des Song, des personnages, des figures de religieux ou va réaliser ce qu'on appelle des peintures de beauté. C'est seulement la seconde génération d'artistes de l'école de Lingnan, des gens comme Huang Xiaoqiang, qui vont peindre véritablement des gens du peuple, des tailleurs de pierre, des soldats. Oui, c'est la première fois. On voit quelqu'un, un travailleur, c'est un tailleur de pierre, mais c'est les années 30. On est effectivement dans les années 30. Mm-hmm. Ça arrive finalement assez tard, alors que la théorie est beaucoup plus ancienne dans ce domaine-là, mais malgré cette activité de théorisation d'une nouvelle peinture de personnages, Gao Jianfu n'arrive pas à s'affranchir de ses iconographies anciennes. Et sera même obligé, en fait, de réviser sa théorie pour l'adapter à, finalement, ce qu'il peint lui-même. Mais la théorie était là, et, ma foi, les artistes de la seconde génération ont pu s'appuyer sur cette théorie pour faire œuvre nouvelle dans la peinture de personnages. Après, en ce qui concerne les animaux, on est tout à fait dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des peintres qui, tout en restant dans des cadres qui peuvent être des cadres traditionnels, vont essayer de les renouveler de l'intérieur. Le motif du lion est un motif qui existe dans la peinture extrême-orientale de manière ancienne. Mais c'est un lion qui est caricatural. C'est un lion qui est rentré en Chine par l'intermédiaire des iconographies bouddhiques, le lion n'étant pas une espèce endémique en Chine ou au Japon. Et avec l'œuvre de Takeuchi Seo au Japon, qui va lui visiter des zoos en Occident et qui va travailler sur le motif des lions, on va voir ce thème apparaître dans la peinture chinoise, sous une forme naturaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus face à un thème religieux. On a des lions qui sont toujours dans des positions dynamiques, en tension, prêts à bondir. Et en l'occurrence, dans cette peinture, ils guettent l'horizon comme s'ils guettaient un ennemi. Et on a dans tous ces animaux, que ce soit les rapaces qui s'apprêtent à fondre sur leur proie, ou ces lions, des symboles de l'héroïsme révolutionnaire qui est nécessité par ces temps troublés. Et donc on a là quelque chose de nouveau dans l'iconographie chinoise, même si le thème même du lion était un thème qui existait déjà dans la peinture chinoise. Mais est-ce que tout visiteur le sait, que ce que finalement le lion représente le mouvement révolutionnaire, ou faut-il le colophon, faut-il une explication? Alors là, dans l'exposition, il y a les informations qui permettent de le comprendre. Il y a les panneaux de salle. Dans le catalogue aussi. Dans le catalogue, tout ça est écrit. On s'enrichit beaucoup, mais on peut aussi se demander si est-ce que c'est une interprétation moderne, enfin contemporaine. Oh, c'est très flagrant concernant ces artistes. En plus, ils ont beaucoup écrit, donc on connaît assez bien cette école. On a des témoignages d'élèves sur ce que voulaient faire ces artistes. On a des colophons, effectivement, sur certaines peintures qui permettent de comprendre la peinture dont le sujet apparaît anodin, mais qui est en fait un sujet historique une fois qu'on annule le colophon. Donc on a suffisamment d'informations pour pouvoir être assez sûr des interprétations d'un certain nombre de peintures. Il y a des peintures sur lesquelles il peut y avoir débat. Et il y en a deux ou trois dans l'exposition sur lesquelles il y a des problèmes d'interprétation. Mes collègues de Hong Kong et moi ne sommes pas d'accord sur certaines interprétations. Alors qui a le droit d'avoir le dernier mot, Maël Bellec? Mais toute personne qui visite l'exposition et qui décide de regarder les peintures sérieusement et d'essayer d'argumenter son avis, c'est aussi bête que ça. Moi, je suis là pour essayer de faire comprendre du mieux que je peux les peintures. Je ne prétends pas avoir l'interprétation définitive ou donner le sens ultime d'une peinture. Une peinture est polysémique. En fonction de la peinture que vous mettrez à côté, elle aura un sens différent. Et donc, quelque part, en construisant une exposition, je réduis les sens possibles d'une peinture parce que j'oriente le regard du spectateur. Mais ça ne veut pas dire que s'il se met seul face à une peinture, il ne peut pas l'interpréter dans un sens qui n'a absolument plus rien à voir avec l'exposition. Oui. Je ne pense pas que ça réduise, au contraire, ça enrichit. Enfin, voilà. En effet, il y a des choix, comme dans toute... voilà, quand on fait une exposition, il y a un choix. Mais après, la richesse, elle naît comme ça. Elle se nourrit de la lecture du catalogue, en l'occurrence, d'une deuxième visite aussi. Enfin, voilà, du plaisir qu'on peut avoir, comme ça, on l'a dit, à se promener de salle en salle. Et c'est pas tout de suite le premier choc esthétique. Tout s'enrichit. Il y a plusieurs niveaux d'information dans l'exposition et nous, notre travail, c'est de fournir ces niveaux d'information et la tâche du visiteur, c'est de choisir le niveau d'information qu'il estime nécessaire pour faire une visite qui lui convient de l'exposition. Alors vous disiez, Maël Bellec, enfin c'est le titre, l'école de Lingnan, l'éveil de la Chine moderne au musée Cernocchi à Paris, donc dans le 8e arrondissement, près du parc Monceau. École, alors qui dit école dit évidemment des élèves et suite et poursuite, mais c'est aussi un bâtiment. Le bâtiment a existé, c'était pas simplement des personnes comme ça qui peignaient ou qui dessinaient semblablement ou dans le même but, mais il y avait c'était quoi, le pavillon des... Alors il y a eu plusieurs lieux en fait. Ah oui, mais dans, j'adore le mais il y a effectivement l'atelier de Gao Qifeng dans lequel il a reçu 6 élèves qui ont été ses suiveurs, qui s'appelle le pavillon du vent céleste. Des sept, non ? Et les sept du pavillon du vent céleste, effectivement, quand on désignait les artistes qui travaillaient dans l'atelier de Gao Qifeng y compris. Et effectivement, c'est alors le pavillon des sept du... Les sept du pavillon du vent céleste. D'accord, dans cet ordre. Et ce sont des... Alors, la notion d'école est souvent problématique dans la peinture chinoise, mais ce n'est pas le cas du tout pour l'école de Lingnan, parce qu'effectivement, ce sont des artistes qui ont travaillé dans la même région, qui ont travaillé ensemble. Il y a une vraie filiation de maître à élève. Les maîtres ont connu les élèves, les ont formés directement. Et c'est vrai que ça a permis cette diffusion de l'école sur le plan international, et ça survit jusqu'à aujourd'hui, puisque les sept du pavillon du vent céleste, enfin on va dire les six moins Gao Qifeng, ont eux-mêmes formé, d'abord ils ont fait perdurer un style qui était le style de leur maître, même si chacun avait sa propre individualité. Même sous Mao ? Alors, la question de la survie de cette école à l'époque maoïste est un peu plus compliquée. Il y a des artistes de cette école qui vont s'intégrer dans l'environnement artistique de l'époque maoïste, notamment des artistes comme Guan Shanyue, parce que ce sont des artistes qui finalement entretenaient des liens évidents finalement avec la théorie picturale de l'époque maoïste, la volonté de faire œuvre politique à travers sa peinture. C'était la prolongation un peu de... Voilà, la volonté de s'adresser à une population large aussi, et ils auraient pu s'intégrer à l'intérieur de l'époque maoïste. Ça a été le cas marginalement pour quelques-uns des artistes de cette école, mais de fait, Gao Jianfu meurt en 1951, donc à un moment où ça commence tout juste en Chine. Par ailleurs, ils avaient été très proches du mouvement nationaliste, du Kuomintang, donc ça pouvait créer quelques tensions, même si on a proposé à Gao Jianfu de revenir en Chine continentale pour continuer sa carrière en Chine continentale. Et en fait, les artistes, la plupart des artistes de la seconde génération ont été actifs plutôt à Macao, Hong Kong, Taïwan. Et puis, il y a eu par la suite... Au Canada aussi, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a eu, avec l'immigration chinoise, une branche active de l'école de Lingnan au Canada. Toujours active aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce que des collections sont venues en France, du Canada ? Alors, non, on n'a pas beaucoup d'œuvres de ces artistes-là en France. Si vous parlez de l'expo, en fait, la totalité des œuvres chinoises viennent du musée de Hong Kong. Et comme je vous le disais, on est resté vraiment concentré sur un peu le noyau de cette école, parce qu'il n'y avait pas eu d'ouvrage publié en langue occidentale depuis 1988 sur l'école, et il n'y avait pas eu, à ma connaissance, d'exposition un petit peu de fond sur l'école. Donc l'idée, c'était de redonner un peu les bases pour qu'on puisse comprendre ce qu'était cette école avant d'aller plus loin. Et si on devait traiter 4 ou 5 générations d'artistes, ça commençait à devenir un peu compliqué, un peu flou. Donc on est resté vraiment sur le noyau de ces artistes, et donc sur des œuvres qui viennent essentiellement de Hong Kong. Voilà. Et que l'on peut voir donc à Paris, au cours d'une visite à Paris, ou si on habite Paris, au musée Cernocchi. Donc 7 avenue Velasquez, c'est dans le 8e arrondissement, à côté du parc Monceau. C'est jusqu'à fin juin. Le 28 juin. 28 juin. Il y a un catalogue aussi donc sur l'école de Lingnan, l'éveil de la Chine moderne. On doit pouvoir le trouver ailleurs qu'au musée Cernocchi, j'imagine. À la FNAC, chez les libraires. Il est assez bien distribué. Voilà, il est un peu tard pour aller cette nuit dans le musée, puisque de toute manière il est fermé et bien gardé, mais dès demain 10h dimanche, puisque c'est du mardi au dimanche, je crois qu'on peut aller au musée Cernocchi. Merci Maël Bellec. Cette nuit spéciale des musées se poursuit. Nous allons entendre une dramatique dans un instant, la peinture aux trois visages, puis la mémoire des pierres. C'est une émission qu'avait consacrée André Velter au musée des monuments français en 1993. Et puis la deuxième partie de Profil perdu consacrée à Georges-Henri Rivière par Paul Chavas, une émission de 1990. La nuit des musées, donc spéciale, continue. Merci Maël Bellec. Merci à vous.